Oh, allez, bonsoir, bonsoir, monsieur Daron. On va vous faire Bonsoir. partager un petit moment ce soir. Un petit moment Bisous, qu'on passe le soir dans un petit coin bien à nous. Ça s'appelle le bar des amis. Exact. C'est tous nos ennuis qu'on oublie. Puis le dimanche, c'est le casse-croûte. Un bout de tourte dans la soupe. Allez, Germain, sors le cubi. Chez nous, le pif, c'est la vie. Bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue dans un coin fermé. C'est un endroit plein d'espoir, plein de café noir et de guitare. Au bar des amis. Dans un coin, il y a René, assis sur son tabouret. Il est bourré comme un coin. Problème, il est 9h du matin. Comme tous les jeudis, se taper son PMU. La semaine dernière, il nous a dit: hey les gars, je l'ai dans le désordre. Du coup, on lui a répondu: mets de l'or dans ta vie. Bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue dans un coin perdu. C'est un endroit plein d'espoir, plein de café noir et de guitare, plein de rires de mélancolie. Bienvenue au bar des au bar des amis.